Psaume 20. Psaume de David, donné au maître chantre. Que l'Éternel te réponde au jour que tu seras en détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te mette en une autre traite. Qu'il envoie ton secours du saint lieu, et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes oblations, qu'il réduise en cendres ton holocauste, c'est là. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il fasse réussir tes desseins. Nous triompherons de ta délivrance, et nous marcherons à enseigne déployée au nom de notre Dieu, l'Éternel accomplira toutes tes demandes. Déjà je connais que l'Éternel a délivré son loin, il lui répondra des cieux de sa sainteté, la délivrance faite par sa droite est avec force. Les uns se vantent de leurs chariots, et les autres de leurs chevaux, mais nous nous glorifierons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Ceux-là employés, et sont tombés, mais nous nous sommes relevés, et soutenus. Éternel, délivre. Que le roi nous réponde au jour que nous crierons.